Gérard de Suresnes, donc, avec Fildar. Fildar, est-ce que tu peux commencer à nous lire quelques petits tracts, quelques courriers, Gérard, puisqu'on a reçu du courrier te concernant. Ouais. J'en profite pour dire que tu nous feras un nouveau débat, puisque je m'en vais en vacances, donc c'est pas le dernier jeudi du mois, mais jeudi prochain, jeudi 23, un débat sur la Sibylle et les routiers qui durera 2 heures, de minuit à 2 heures, et ça va cartonner. On a reçu du courrier pour toi, Gérard, pendant qu'on te tient, mon salaud. Ouais, donc. Mon salaud, et ce poli, c'est pas mon salaud, c'est ta salope. Ça, ouais, c'est ma salope. ça va moins te faire rire quand tu vas lire. Ouais, c'est clair. Donc, on a reçu en fait un. Écoute, Gérard. Donc, on a reçu une grosse lettre en fait d'un voyant qui s'appelle David Field. Et en fait, il se propose, il est vachement sympa, il se propose de venir directement chez toi. Donc c'est là qu'il va y avoir un problème parce que t'as pas de chez toi, pour te révéler en fait tes directives secrètes de réussite pour l'an 2000. Mmh. Donc en fait, il va te parler de toi, de ton présent, de ton avenir. En fait, s'il parle de son avenir, ça va prendre 2 minutes. Bah oui, c'est pour ça. Et donc il va te faire des révélations concernant tout ce qui te concerne personnellement. Donc si t'es intéressé, il y a tout un truc à remplir. Donc il y avait des témoignages de personnes qui l'ont fait. Donc je vivais dans le noir total et grâce à toi, j'ai retrouvé la joie de vivre. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs et je pense que ça peut être sympa pour toi. Mais non, ça, tu vois, tu fais une chose ce soir. Ouais. Tu sais ce que tu fais avec ça? Non. Tu vois, il y a une grosse corbeille à côté de... Non, je les garde, ça c'est pour le tribunal. Oh là là, s'il faut faire un procès, t'inquiète pas, on est en train de blader. On a reçu un autre courrier également. Donc en fait, c'est Millennium Productions. Tu sais, José Productions, tu sais, au niveau des vidéos, là, on avait appelé le mec. Ouais. Mais c'est bien. Ah bah alors là, ça craint. Il y a une deuxième édition. Ouais. Là, ça craint. Il y a de nouvelles vidéos en disponibles. Vas-y. Donc les nouveautés en vidéo, c'est Professeur Cousin et toutes ses infirmières. Enfin, tous ces infirmiers. Non, mais Attends, je termine. T'as besoin que c'était le nom de famille? Mais non, cousin, c'est pas un oncle. Mais c'est le titre des vidéos cassettes, je peux rien dire, moi. Je peux rien y faire. Colonel GG se fait exploser le cul à l'obus. Maître Gérard se rentre la barre. Donc, ça, c'est une collection haute tribunal. Ouais. Cuny sans dents. Tatailler la marionnette à levrette. Le plombier Gérard et son petit tuyau. Commissaire Gérard vous met dans son trou. GG baise avec Carlos. GG et Bernadette vous font visiter l'Elysée. Ça se tire lutte avec Jean-Luc Delacousin. La grande partouze avec Bourmont et GG. Voilà, et donc si vous commandez une de ces vidéos, alors ça c'est vraiment dégueulasse, pour plus de 15 francs d'achat en euros, une photo de Sandy à poil pour débander. Pour plus de 35 euros d'achat, un morceau de tôle de la Mercedes de Lady Di. Oh non. Plus un porte-clés coton-tige. Oh non. Et pour plus de 85 francs d'euros d'achat, une reproduction de la radio du tassement de vertèbre de GG, plus une boîte de préservatifs Goua Heineken. Donc lu et approuvé par Gérard, alors ça, c'est le grand mot de Suresnes. Gérard, c'est vrai que t'es d'accord avec ça? Non. Bah c'est mis, attesté par cousin, il y a ta signature. Ouais, c'est ça mon con. Mais c'est vrai, ne donne pas son nom de famille, abruti. Ah oh, merde. Et t'es vraiment une pute, hein, toi. C'est dingue, ça. Tu peux pas te retenir, c'est plus fort que toi. Tu peux pas garder ça pour toi, Fildar. En plus, il y a des mecs qui sont remerciés, hein. Donc il y a merci aux cuisiniers du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Productions et tous ceux que l'on a oubliés. Ouais, je vais te dire une chose, espèce de branleur de mes deux, là. Voilà, faut l'appeler, hein. Là, t'assures pas, là. Non, espèce de petit branleur de mes deux, là, qui est au standard, là. T'es vraiment un connard, hein. Hein, tu vas fermer ta gueule. Mais moi, je suis dégoûté, toi, hein. À cause de toi, jeudi, je reste ici. Bah, ça tombe bien, parce que... Ça, c'est bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra. Ça tombe. Alors maintenant, tu choisis, t'as une semaine pour te tenir à carreau, parce qu'avec la tendinite que j'ai à l'épaule, normalement, je dois pas bouger. Alors tu choisis, espèce de branleur. Soit tu te calmes, t'as une semaine pour donner tes excuses en direct devant des millions d'auditeurs, ou sinon jeudi je viens pas. Tu choisis, c'est à prendre ou laisser. C'est pas jeudi là, c'est jeudi prochain, hein. Ouais, mais jeudi prochain. Donc il a une semaine pour se tenir à carreau. D'accord? Alors dans une semaine, avant la semaine prochaine, c'est-à-dire on est mercredi, il est 22h20, je veux que mercredi prochain, à cette heure-ci, il me rappelle et qu'il me fasse des excuses. Sinon jeudi, sinon, jeudi, je reste ici. Alors, apprendre ou à laisser. Non, mais je suis d'accord. C'est pas la peine qu'il essaye de m'appeler autrement. Non, mais je t'appellerai pas. Apprendre à laisser, là, je ne rigole plus. Non, mais moi, je suis parce pas. Parce que là, il me balance le, mon nom de famille. Alors, ouais. Mais c'est pas moi, c'est la feuille. Et moi, je suis contre la feuille que j'ai lue. Non, mais. L'autre connard de Manu. L'autre connard de Pulgar, il a pas à le balancer. C'est pas après toi que j'en ai max, c'est après Pulgar. Donc, Pulgar, t'as une semaine pour te tenir à carreau. Ouais, mais bon, en même temps, c'est pas à cause de. Dans une semaine, si j'ai pas mes excuses, je ne viens pas faire le débat. D'accord, mais Gérard, reconnais, c'est Max qui te parle quand même, qu'à cause de ça, quand même, tu vas pas punir des millions d'auditeurs et des routiers qui nous ont appelés pour participer au débat. Eh ben, tant pis, je punis tout le monde. De toute manière, je le dis bien là, haut et fort, c'est que Fildar, maintenant, t'as gagné. Maintenant, si j'ai des emmerdes, c'est grâce à toi. Alors maintenant, Fildar, t'as une semaine pour... pour faire tes excuses, d'accord. D'accord, contre, donc, j'ai une question. Une semaine, c'est tout. Une semaine à sortir, je en direct pour me présenter tes excuses. Non, Gérard, on va pas attendre mercredi prochain, 22h20, pour faire des excuses. Si entre-temps, je vais essayer de... Parce que pour l'instant, Fildar me dit non de la tête qu'il veut pas faire d'excuses. Si il doit faire des excuses, il faut Non, pas de bras d'honneur. Il faut qu'il en fasse absolument une avant mercredi prochain à 20h20. Tu as jusqu'à 22h20. Tu as jusqu'à mercredi prochain à 22h20 pour faire des excuses. On va tâcher avec Manu d'essayer de le raisonner et qu'il te fasse des excuses en direct. Il est hors de question. Si, commencez l'heure de question. Il est hors de question. Dans ces cas-là, s'il est hors de question. T'inquiète pas, Gérard, arrête de t'énerver. On a jusqu'à mercredi 22h20. Calme-toi. Parce que sinon, moi, je récupère son numéro de plaque d'immatriculation. Je peux venir quand je veux. De sa poubelle. Je récupère sa plaque d'immatriculation et je la balance n'importe où. Eh ben, je te donnerai l'autorisation de le faire. Elle est pas à mon nom. Je te donnerai l'autorisation de le faire. Je donnerai l'autorisation de le faire. Voilà. J'avais une question, moi, Gérard. Bah, surtout qu'on appellera dans un instant quand même le Millennium Production. On a le numéro. Ouais, Gérard, avec Fildar, Emmanu, on va les appeler. Hein. Ah, mais tu demandes que je préfère ça, c'est toi qui essaye de gérer parce qu'avec Fildar, j'ai plus confiance. Non, on va composer le numéro de téléphone et c'est toi qui vas gérer en tant que Gérard. Emmanu, tu voulais me poser une question? Ouais, je me posais une question. En fait, t'as joué au tennis dans ton foyer, c'est un beau foyer. Hein. C'est pour avoir une tendinite, c'est pas quand tu joues au. Non, mais je vais te dire une chose, que ça, c'est suite à l'accident que j'ai eu en 93, et c'est pas des conneries que j'ai. Vas-y, raconte. Mais c'est pas du baratin, parce que je me suis renseigné auprès du médecin que j'ai vu, et c'est suite, c'est du côté droit, donc de la main où j'ai écrit, et en fin de compte, c'est suite à mon accident. Merde, alors ça veut dire, Gérard, qu'il y aura plus de poèmes et que tu seras obligé d'improviser les questions des débats? Ben, je demanderai à Sandy qu'elle me les écrit. Ah, ouais, nous vous la rassurer. Ça changera d'habitude. Si Fildar fait des excuses en direct avant mercredi prochain, 22h20. On le rappelle quand même, l'ultimatum est lancé, Gérard. Ah oui, ben ça, l'ultimatum, il reste. Moi, si mardi soir, tu m'appelles en me disant c'est OK, c'est fait, tu me le fais savoir. T'inquiète pas, Gérard, on revient dans un instant. Ça n'intéresse pas tellement les gens de savoir que je t'appelle et tout ça hors antenne. L'important, c'est de savoir que si mercredi avant 22h20, Fildar n'a pas fait pour Gérard des excuses en direct, il n'y aura pas de débat sur la Sibylle et routier. Pour le moment, Fildar, tu restes sur ta position. Il en est hors de question. Très bien. C'est bien. Ben, moi, pour l'instant, de toute manière, je suis d'accord avec toi, Gérard. Je le ferai changer d'avis.